Exemple. On a retrouvé mes clés. 1. On prend un verre? 2. Nous voudrions de l'eau minérale pétillante. 3. Anne est très sympathique. Tu ne trouves pas? 4. En octobre, je loue un nouvel appartement. 5. Ce matin, le ciel est gris. 6. Le téléphone sonne, mais personne ne répond.